بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين. ثم أما بعد، c'est notre septième assise autour de cette noble risala de son éminent Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, l'éclaircissement sur les lacunes et les failles qu'il y a dans la nasiha de Cheikh Ibrahim al-Ruhayli. يقول قال الدكتور إبراهيم في الصفحة الثلاثون والصفحة الواحد والثلاثون ثانيا أن يكون الرد من عالم راسخ القدم في العلم يعلم على وجه التفصيل جوانب المسألة المتعلقة بموضوع الرد من حيث الأدلة الشرعية عليها وكلام العلماء فيها ومدى مخالفة الخصم للحق ومنشأ الشبهة عنده وأقوال العلماء في رد هذه الشبهة والاستفادة من كلامهم في ذلك. Cheikh Rabi' ici, Hafidhahullah Ta'ala, de citer ce qu'il y a dans la page 30 et 31. Et il dit, docteur Ibrahim al-Ruhayli a dit, deuxièmement, il faut que la réplique émane d'un homme de science ancré dans la science, et qui est très ancien dans la science et qui a beaucoup de science, qui sait en détail ce qui concerne le sujet qui est concerné par la réplique, de par les preuves de la législation, et qui sait aussi les paroles des hommes de science concernant cette divergence et le point de divergence de celui qui est tombé dedans par rapport à la vérité, combien le poids de cette divergence par rapport à la vérité, et d'où vient l'ambiguïté si celui qui est tombé dans cette divergence, et les paroles d'hommes de science concernant la réplique à cette ambiguïté, et de profiter et de prendre le son des paroles des hommes de science. يقول كما ينبغي أن يتسم الراد على المخالف بقوة الحجة في تقرير الحق وإزالة الشبهة ودقة العبارة بحيث لا يظهر عليه في شيء من ذلك ويفهم من كلامه غير ما أراد، وإلا حصل الضرر العظيم بتصدي من فقد هذه الشروط للرد. الشيخ إبراهيم الرحيلي يقول كم il faut que celui qui réplique aux divergents qui soit très fort dans ce qu'il ait des preuves très fortes, et qu'il soit fort dans ses preuves pour confirmer la vérité et pour anéantir l'ambiguïté, et qu'il faut qu'il soit très minutieux dans les expressions qu'il utilise, au point qu'on puisse pas comprendre le contraire de ce qu'il veut, et qu'on arrive à comprendre ce qu'il veut de sa réplique. Sinon, il va en découler un grand mal contre quelqu'un qui ne réunit pas ses conditions, s'occupe de la réplique. Ça, ce sont les paroles de Cheikh Ibrahim al-Ruhayli, que maintenant, on va voir la critique de ces paroles de la part de Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Il أقول أولا يا حبذان يكون الرد من عالم راسخ صفاته كما ذكرت، لكن استكمال هذه الصفات لا يجب في كل رد، ولا يجب استكمالها في كل رد، ولو اشترطنا ذلك في كل رد وكل رد لاستشرى الفساد واستولى على الأمة بأجمعها إلا النادر من الناس. الشيخ ربيع دير premièrement, c'est bien que la réplique soit d'un nombre de sciences dont qui a les descriptions que tu as citées. Mais ces conditions que tu as citées ne doivent pas, ce n'est pas obligatoire qu'ils soient dans tout un chacun qui s'occupe de la réplique. Et ils ne doivent pas être contenus dans chaque réplique, pour chaque réplique. Ici, on émet ces conditions pour chacun qui réplique. Le mal va être propagé. Il va avoir pignon sur rue. Et il va s'accaparer de toute la communauté sauf une minorité très fine, très fine. يقول الشيخ ربيع يؤكد عدم صحة استكمال هذه الشروط أنك لا تجد في معظم بلاد الإسلام علماء سلفيين راسخين، ويوجد فيها طلاب علم، ومع ذلك فإنه قد نفع الله بهم في نشر التوحيد ودحض الشركيات والبدع والخرافات. Et deuxièmement, Cheikh Rabi' de dire confirme ceci, que c'est pas bon, que les conditions que Cheikh Ibrahim Ruhali a ramené ici ne sont pas bons, et que, hein, que dans beaucoup de pays de l'islam, hein, il n'y a pas d'hommes de science salafis qui sont ancrés, qui ont beaucoup de science. Hein, mais il se trouve aussi dans ces pays des demandeurs de science. Et avec tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala a donné, hein, a fait que leur effort qu'ils entreprennent, ces demandeurs de science, que Allah subhanahu wa ta'ala, par leur intermédiaire, par l'intermédiaire de ces demandeurs de science, le monothéisme a été propagé et il a fait face à l'associationnisme, aux innovations et aux histoires à dormir debout. يقول الدكتور ربيع حفظه الله تعالى وأنا أسأل الدكتور إبراهيم إذا كان هناك بلد أو بلدان تنتشر فيها البدع والمنكرات ولا يوجد فيها عالم راسخ أو علماء راسخون تتوفر فيهم تلك الشروط ويوجد فيها طلاب علم قد قرأوا الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد للإمام محمد بن الوهاب وكتاب الواسطية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية وعمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي أو بلوغ المرام للحافظ بن حجر وتنتشر في بلادهم وبلدانهم بدعة تعطيل صفات الله وبدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعة الشرك بأهل القبور وغيرها من البدع ويكثر فيها شرب الخمر وتهتك النساء فهل يجب أن ينكروا هذه المنكرات في حدود علمهم أو يجب عليهم السكوت لأنهم ليسوا من العلماء الراسخين إلى آخره. الشيخ ربيع يقول moi je pose la question maintenant à Dr Ibrahim, s'il se trouve un pays ou des pays où les innovations sont propagées, le mal est propagé, il ne se trouve pas dans ce pays un nombre de sciences qui est ancré dans la science, qui a beaucoup de sciences dans lequel se trouvent ces conditions, hein, citées chez par Cheikh Ibrahim. Mais il se trouve dans ce pays des demandeurs de sciences qui ont lu les trois fondements principaux, Kashf al-Shubuhat, le livre du monothéisme de l'imam Mohammed ibn Abdelhab, et le livre de l'Ouassatiya et de l'Hamawiya de Cheikh l'Islam de Taymiyyah, et qui ont lu aussi, hein, Umdat al-Ahkam de l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi ou Bulugh al-Maram de l'Hafid ibn Hajar, et dans leur pays, et dans leur pays, il y a l'innovation du fait de dire, hein, de dépouiller les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala de leur sens. Il y a l'innovation du qadar, ou l'innovation de l'irja, ou l'innovation de l'associationnisme, que les gens sont attachés aux gens des tombes, et d'autres parmi les innovations. Et le vin est propagé, et les boissons alcooliques sont propagées, et les gens baignent dans l'alcoolisme. Et les femmes, hein, sont dénudés, ils font n'importe quoi, ils ont des mauvais comportements, et ainsi de suite. Est-ce qu'il est obligatoire pour ces demandeurs de science de blâmer son mal selon et à la limite de leur science et de leur savoir, ou ils doivent se taire parce qu'ils ne font pas partie des hommes de science qui ont beaucoup de science, qui sont ancrés dans la science? يقول الشيخ ربيع أعتقد أن الدكتور إبراهيم سيجيب بأنه يجب على هؤلاء الطلاب أن ينكروها ويغيروها في حدود علمهم وطاقاتهم امتثالا لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الشيخ ربيع يقول je crois que الدكتور إبراهيم الرحيلي va dire qu'il est obligatoire ces demandeurs de science de blâmer, hein, et de changer ces situations selon, hein, la science qu'ils ont et selon leur capacité, mettant en application la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction approximative nous dit ceci: il faut qu'il existe parmi vous une communauté qui appelle, un groupe qui appelle vers le bien et qui blâme le mal et qui ordonne le bien, et ceux-là ce sont ceux qui ont réussi. وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Et aussi on met en application lors du prophète alayhi salam qui a dit celui qui voit parmi vous un mal qu'il le change avec sa main, s'il ne peut pas c'est avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, et ça c'est le plus faible degré de la foi, rapporté par l'imam Muslim. يقولوا الشيخ ربيع فمن كان منهم ذا سلطان فعليه أن يغير بيده ولسانه ومن كان غير ذي سلطان فعليه أن يغير بلسانه وقلمه وبنانه ولا أظن عالما أو طالب علم يخالف في هذا. الشيخ ربيع de dire, et celui qui a le pouvoir, il doit changer ce mal avec ses mains et avec sa langue. Et celui qui n'a pas le pouvoir doit le changer avec sa langue, avec son crayon. Hein? Il dit, je ne crois pas qu'un homme de science ou un demandeur de science, il est en divergence avec cela. يقول واعتقد ان هؤلاء الطلاب الذين وصفتهم ان سكتوا وصفتهم ان سكتوا عن تغيير المنكرات انهم يدخلون في قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الشيخ ربيع de dire, et je crois que c'est demandeurs de science que j'ai décrit ici, s'ils se taisent sur le fait de blâmer et de changer le mal, ils vont rentrer dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction nous dit ceci, sont maudits ceux qui ont mécru de la descendance de Israël par la voix de Daoud alayhi salatu salam, de Isa ibn Maryam. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi, ils ont dépassé leurs limites, ils étaient injustes quand ils faisaient un mal. Et quand il faisait un mal, il se le blâmait pas. Et mauvais. Et quelle mauvaise œuvre qu'ils font. Quand ils font un mal, ils se blâment pas sur leur mal. Et donc c'est une mauvaise situation dans laquelle ils sont. Et dans ce passage, tu vois, frère Allah Azza wa Jal, que ces conditions, ces attributs que Dr Ibrahim Rahili a émis, et ces conditions qu'il a émises pour que, il n'est pas obligatoire qu'il soit de tout un chacun qui réplique. Et sinon, qu'est-ce qu'il va en découler? Il va en découler que ceux qui répliquent ne vont pas être nombreux. Ils vont être du domaine du très. Ils vont presque, ils ne vont pas exister. Et Cheikh Rabih nous a montré que l'actualité, ce que nous vivons, confirme la non-validité de cette condition qu'on ramène Cheikh Ibrahim Rouhaili ici. Parce que beaucoup de demandeurs de science, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que par Allah subhanahu wa ta'ala, par leurs œuvres, il a fait que le monothéisme a été propagé. Il y a eu la réplique à l'associationnisme, aux innovations. Et Cheikh Rabih ici nous montre et nous éclaire sur le fait que la parole du docteur ici, que docteur, la parole de docteur Ibrahim Rouhaili implique que les demandeurs de science ne doivent pas blâmer le mal car ils ne sont pas des hommes de science. Et Cheikh Rabih nous montre que ceci est faux, que ceci est faux. Donc il faut faire très attention à ce genre de situations et de conditions que certains y ramènent. يقول في الصبح 31 قوله ثالثا أن يراعى في الرد على المخالف تفاوت المخالفين في درجة المخالفة ومكانة المخالف في الدين والدنيا وكذلك التفاوت في الباعث على هذه المخالفة أهو الجهل أم الهوى والابتداع أو سوء التعبير أو سبق لسان أو تأثير أو تأثر بشيخ أو أهل البلد أو التأويل أو غير ذلك من المقاصد الكثيرة المخالفة للشريعة. فمن لم ينتبه إلى هذه المفارقات ويراعيها عند الرد لربما وقع في شيء من الإفراط أو التفريط الذي يمنع الانتفاع بكلامه أو يقلل النفع به. الشيخ ربيع de nous citer à la page ce que dit Dr Ibrahim Rouhaili à la page 31. Il dit troisièmement, Dr Rouhaili dit, il faut prendre en considération dans la réplique aux divergents la différence qu'il y a entre ceux qui sont en divergence et le degré qu'ils ont et la place qu'ils ont qu'à chaque divergent dans la religion et dans le mondain. Et aussi la différence qu'ils ont dans qu'est-ce qui les a poussés à tomber dans cette divergence. Est-ce que c'est l'ignorance ou les passions ou l'innovation ou alors une mauvaise expression de leur part ou tout simplement leur langue les a trahis ou alors ils ont été influencés par un cheikh ou par les gens du pays, ou alors une fausse interprétation ou autre parmi les nombreux buts qu'il y a dans les divergences avec la législation. Et cher docteur Ibrahim Ruhel de dire, et celui qui ne fait pas attention à ces différences et qui ne les prend pas en considération au moment de la réplique, peut-être il va tomber dans quelque chose, dans l'extrémisme ou dans le laxisme. Ce qui va faire que les gens ne vont pas profiter de ces paroles ou le fait de profiter de ces paroles va être minime. يقول الشيخ ربيع أقول هذا كلام كله يقوم على الإجمالات فنرجو من الدكتور إبراهيم أن يفصل هذه الإجمالات ويضرب لها الأمثلة ويقيم عليها الأدلة وإلا فإنه يوقع غالب القراء في حيرة ويوقع من يسلم بهذا الكلام في التوقف عن القيام بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لوجود هذه العقبات. Cheikh Rabir de dire, en commentaire à ce passage, ça ce sont des paroles qui sont basées sur des généralités. Et on demande à Dr Rouhaili de nous détailler ces généralités, qu'il nous donne des exemples et qu'il ramène les preuves sur ce qu'il avance. Car ces généralités font que la majorité de ceux qui lisent ceci vont être, qui lisent ces généralités, vont être dans une hésitation. Ils vont faire tomber celui qui prend ses paroles comme ça à la lettre, de s'arrêter, de ne pas accomplir le conseil pour Allah, pour son livre, pour son messager et pour les imams des musulmans et pour leur commun. Parce qu'ils se retrouvent devant des obstacles. Il y a des obstacles dressés devant lui. يقول الشيخ ربيع فهل إذا وجد العالم أو طالب العلم قوما يستغيثون بغير الله ويذبحون لهم وا إلى آخره فهل يجب عليه أن يعرف تفاوت المخالفين والتفاوت في بواعثهم إلى آخره وهل دل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا إي الشيخ ربيع يدير Est-ce que maintenant, si un homme de science ou un demandeur de science trouve des gens qui cherchent, qui demandent secours à d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qui égorgent pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et autre chose, est-ce qu'il est obligatoire de voir le degré qu'il y a entre les divergents et le degré et la différence qu'il y a entre les divergents et la différence qu'il y a entre ce qui les a poussés à agir ainsi? Il cherche de poser la question, Cheikh Rabi, il dit, est-ce qu'on a une preuve du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète qu'on doit agir ainsi? قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Et Cheikh Rabi' de nous citer un verset dont la traduction approximative nous dit ceci: si vous avez un litige sur quelque chose, ramenez-la vers Allah et vers son messager si vous croyez en Allah et en l'au-delà. Et ça, c'est la meilleure des interprétations que vous allez lui faire. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Et il dit aussi, le Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui voit parmi vous un mal, qu'il le change avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur. Et ça, c'est le plus bas degré de la foi. يقول الشيخ ربيع حفظه الله ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من هذه القيود التي ذكرها الدكتور إبراهيم. Il dit en plus de ça, Cheikh Rabi' de nous dire, le Rasoul صلى الله عليه وسلم n'a pas ramené toutes ces conditions que ramène ici le docteur Ibrahim al-Ruhaili. Il n'a pas ramené toutes ces conditions que il met à docteur que à cité docteur Ibrahim al-Ruhaili ici. يقول وكتب السلف على كثرتها وكثرة ما فيها من الإقوال في الرد على البدع والمنكرات لم نجد فيها هذه القيود الشديدة. Il dit حفظه الله تعالى, les livres des pieux prédécesseurs, ils sont nombreux. On n'a pas, ils sont nombreux dont la réplique pour les innovateurs, la réplique concernant les innovateurs et le blâmable. On n'a pas trouvé de telles conditions, de telles sévères conditions. Il veut parler des conditions ramenées par Dr Ibrahim al-Ruhaili. يقول الدكتور ربيع حفظه الله، نعم يجب أن يكون رد العالم قائما على الأدلة من الكتاب والسنة وبالأسلوب المناسب، فقد يتطلب الموقف اللين والرفق، وقد يتطلب القوة على المستكبر والمعاند، وكلاهما لا ينافي الحكمة، فإن الحكمة وضع الشيء في موضعه. الشيخ ربيع يدير سيخت، il faut que la réplique de l'homme de science soit accomplie dont la, soit, sa base doit être les preuves du livre et de la sunna avec le style qu'il convient, et des fois ça demande le fait d'être doux et d'être doux hein, avec le divergent à, d'utiliser un style très doux à, d'être doigté dans tout ça, et des fois ça demande d'être ferme et dur devant celui qui s'entête et devant l'orgueilleux, et tous les deux positions ne sont pas en divergence ni en contradiction avec la sagesse. Car la sagesse, le hikma, c'est mettre les choses à leur place. قال الشاعر وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. Et il nous cite une parole d'un poète qui dit le fait de mettre la brise matinale à la place de l'épée fait du mal, et le fait d'utiliser l'épée à la place de la hein, de la brise matinale, hein, c'est mauvais aussi. وقال الشاعر إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلى ركوبها. Et cher de nous citer un autre poème qui dit quand il n'y a que les armes hein, à utiliser, quelle gêne ou là quelle réprimande, que, pourquoi le reprocher à ceux qui les utilisent. يقول هذا ولا يلزم معرفة الباعث على البدعة أو المعصية لأن ذلك مما لا يعلم إلا الله. Il dit en plus de ça, il n'est pas obligatoire de connaître qu'est-ce qui a poussé la personne à tomber dans l'innovation, à y mettre une innovation, une désobéissance, car ceci ne fait partie de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قاله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي الخويصرة وهو عند الإمام البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم dit il m'a pas été ordonné de regarder ce qu'il y a dans le cœur des gens ni d'ouvrir leur ventre. Et ceci الرسول صلى الله عليه وسلم dit concernant ذي الخويصرة le père de خوارج. Quand il s'est opposé à Rasulullah, il s'est opposé à Rasulullah. Ceci est rapporté par Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Wa qala amirul mu'minin, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda. Inna unasan kanu yukhaduna bil wahi fi ahdi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna al-wahi qad inqata. Wa inna ma na'khudukum al-an bima dhaharana lakum min a'malikum. Faman adhara lana khayran aminnahu wa qarrabnah. Wa laysa ilayna min sarilatihi shay'un. Allahu yuhasibu fi sarilatih. Wa man adhara lana su'an. Lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qala inna sarilatahu hasana. Et le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a dit, des gens avant faisaient leur sentence arrivée par la révélation à l'époque du prophète, alayhi salam. Hein? Mais maintenant, la révélation est coupée, il n'y a plus de révélation. Donc, on vous juge et on vous prend ce que, selon ce que vous nous faites apparaître de vos œuvres. Si vous faites apparaître le bien, hein, nous vous rapprochons et vous êtes, hein, digne de confiance pour nous, etc. Et nous ne pouvons rien savoir de ce que vous cachez dans vos cœurs, sauf Allah subhanahu wa ta'ala qui vous juge pour ça. Et celui qui nous fait apparaître le mal, on ne lui fait pas confiance, on ne le prend pas comme véridique, même s'il dit que son intérieur est bon. Yaqul al-Sheikh ربي حفظه الله تعالى ويجب التيسير على الدعاة إلى الله والدابين عن دينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. Il dit aussi حفظه الله تعالى شيخ ربيع il faut rendre aussi la situation facile aux دعاة qui appellent vers Allah et qui défendent la religion d'Allah سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم a dit facilité ne rendez pas les situations difficiles et annoncez hein, les bonnes nouvelles et ne faites pas éloigner les gens. Et ceci est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Yaqul al-Sheikh Rabi'i, fa hadha at-taysir كما يجب أن يكون من الدعاة يجب أن يكون لهم كذلك فيما يقومون به من إنكار المنكرات، فلا يرمون بالتشدد والغلو كما يجري عليهم هذا الرمي الآن من فئات معروفة نصبت نفسها لمقاومة أهل السنة وتشويهم. Il dit cette facilité, cette aisance, comme il est de devoir des prêcheurs d'être doux et de faciliter les situations aux gens, il est aussi du devoir de leur faciliter la situation aux deuat quand ils accomplissent, quand ils blâment le mal et quand ils répliquent au mal. On ne doit pas les traiter d'être extrémistes et comme quoi ils sont allés à l'extrême, comme on l'entend maintenant, comme par une certaine groupe connu qui apprécie sur elle-même tout simplement de combattre les gens de la sunna et de défigurer leur image et de les décrire comme quoi ce sont des extrémistes et des durs. يقول الشيخ ربيع ولا يجوز أن توضع في وجوههم العقبات التي توهن عزائمهم في نشر الحق والذب عن. Il dit حفظه الله تعالى il n'est pas permis de mettre des obstacles devant ces prêcheurs qui combattent le mal et qui il ne faut pas mettre devant eux des obstacles qui vont les faire faiblir, qui vont faire faiblir leur ferme résolution dans le fait de propager le bien et de défendre le bien. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فكثرة القيود الثقيلة على الرادين على أهل الأهواء والضلال من أشد أنواع التعسير وأبعدها عن التيسير. إلدي حفظه الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم دي vous êtes envoyé comme facilitateur pour faciliter les situations et vous n'êtes pas envoyé comme des gens qui doivent la rendre difficile. Et Cheikh Rabi' lui dit le fait d'y mettre beaucoup de conditions, et des conditions très lourdes devant ceux qui répliquent aux gens de l'innovation et de l'égarement, ceci est rendre la situation difficile, et ce n'est pas leur faciliter la tâche. Regarde l'islam. Ici, Cheikh Rabi Habidallahu Ta'ala, regarde comment il nous éclaire que les paroles de Dr Ibrahim al-Ruhayli sont générales et ont besoin de preuves, et il a besoin de nous citer des exemples. Et que tout ce qu'il a émis ici, ce sont des obstacles qui sont dressés devant le visage de ceux qui répliquent et de ceux qui défendent la vérité. Et que ces conditions et ces obstacles n'ont pas leur existence et leur place dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, ni dans les livres des pieux prédécesseurs, ridwanullah alayhim. Et Cheikh nous a montré que ça n'implique pas pour celui qui réplique de connaître le but et ce qui a poussé celui qui est tombé dans l'innovation, dans la désobéissance, qu'est-ce qui l'a poussé à tout ça, car ce qu'il y a dans son cœur, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Et il nous montre aussi quoi il est obligatoire pour les duat de rendre la situation facile. Il est obligatoire aussi de faciliter la situation aux duat dans leur combat contre les innovations et contre le faux et contre l'égarement, et qu'on ne doit pas dresser des obstacles devant eux et devant leurs efforts pour les faire faiblir. يقول الشيخ صفحة 31-32 قال الدكتور إبراهيم رابعا أن يراعى في الرد على المخالف أن يحقق المصلحة الشرعية للرد، فإن ترتب عليه مفسدة راجحة على مفسدة المخالفة فلا يشرع الرد في هذه الحالة، فإنه لا تدرأ مفسدة بما هي أعظم منها. إيه الشيخ ربيع دون سيتي هاس كي دون الباج 31-32 دي بارول دو دكتور روحيلي كي دي quatrièmement il faut prendre en considération dans la réplique au divergent que la réplique amène un intérêt légiféré et qu'on arrive à un intérêt avec cette réplique. Mais si il arrive un mal de cette réplique, et que le mal, quand on estime que le mal qui va découler de la réplique est beaucoup plus grand que la divergence qu'il y a, il n'est pas permis de faire cette réplique, car on ne peut pas repousser un mal avec un mal beaucoup plus grand que lui. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ومطلوبها ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يكن أن يجتمعا جميعا ودفع شر الشرين إذا لم يتفقا جميعا. انتهى كلامه المسائل المردينية صفحة 63-64. Ici, docteur Ibrahim Al-Hali de citer, comme preuve pour ce qu'il dit, les paroles du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans le Masail al-Mardiniya à la page 63-64. Il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il n'est pas permis de pousser un petit mal par un grand mal, ni de faire pousser le plus léger des mâles par un plus grand. Où là, en poussant un petit mal, on arrive à une situation pire. Car la législation est venue pour le bien, et pour ramener le bien, et pour compléter le bien, et pour éloigner le mal, et pour diminuer le mal selon les possibilités. Et il est demandé de prendre le meilleur des biens. Et si on ne peut pas les réunir tous, tout le bien, et de repousser le pire des mâles, si on ne peut pas tous les repousser, si on ne peut pas avoir tous les deux biens, ben on essaie d'avoir le meilleur des biens. Et si on ne peut pas repousser les maux qu'il y a en face de nous, au moins on pousse le pire des mâles. يقول الشيخ ربيع أقول إن كلام شيخ الإسلام حق فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، لكني أعتقد أنه لا يرى أن الشرك والكفر والبدع الكبرى وحرب أهل السنة والدفاع عن أهل البدع الكبرى من الفساد القليل، ولا إنكارها وبينه خطرها من الفساد الكثير. شيخ ربيع بن ندير، je dis que les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah c'est une vérité. Il n'est pas permis de pousser un petit mal par un grand mal. Il dit, mais je ne crois pas que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah voit que l'associationnisme, la mécréance, les grandes innovations et le fait de combattre les gens de la sunna et de défendre les gens des grandes innovations fait partie du petit mal. Et aussi le fait de les blâmer et de montrer leur danger fait partie du grand mal. Abedin. يقول فلا مصلحة أعظم من نشر التوحيد وإظهاره ومن هدم الشرك والكفر وتطهير الأرض منها ومن البدع التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها شر الأمور. Il dit, Cheikh Rabi' de nous dire, il n'y a pas plus grand intérêt, plus grand bien que le fait de propager le monothéisme et de le faire, et de faire l'apparition du monothéisme. Et de détruire l'associationnisme, la mécréance et de purifier la terre de l'associationnisme, du monothéisme et des innovations. Que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme c'est le c'est le plus grand mal. Et يقول والظاهر أن شيخ الإسلام يريد بهذا الكلام من ينصح أو ينكر على ولاة الأمور المسلمين أو من ينوب عنهم، فإنه يجب أن يكون بالحجة والبرهان مع الرفق واللين، وإذا كان فسادهم قليلا وترتب على الإنكار عليهم مفسدة ومفاسد أكبر فتحتمل المفسدة الأصغر لدفع أكبر منها، فإذا كانت مفسدتهم كبيرة شركا أو رفضا أو تضمن كفرا فهنا لا تأتي هذه القاعدة فتأمل. Et regarde maintenant la clairvoyance de Cheikh Rabi, il te dit, et l'apparence, et ce qui m'apparaît que Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah, ce qu'il veut dire avec ses paroles citées chez par Dr. Ibrahim Al-Ruhaili, disent que ces paroles concernent celui qui conseille ou qui blâme les gouverneurs musulmans ou ceux qui sont leurs représentants. Il dit, il faut que le conseil ou ce blâme doit se faire avec les preuves, en utilisant le doigté et la douceur. Et si le mal de ces gouverneurs, il est peu, et le fait de le blâmer va ramener un grand mal, dans ces cas-là, on supporte le petit des mâles, le petit mal, pour repousser le grand mal. Mais si leur mal est énorme, qu'il soit du domaine de l'associationnisme, ou du rafd, ou alors quand il y a la mécréance, ici, on ne ramène pas cette règle. Médite cela, dit Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala. Il dit, en bas de la page, ceci est contrairement à ce que font le Khawarij et leurs similaires, car ils blâment quand ils blâment, leur blâme se fait soit avec la révolte, avec les armes, soit en attisant la haine des gens et en sortant la haine, en attisant la haine des gens contre leur gouverneur. Et donc, dans ces cas-là, la mafsada est énorme dans leur blâme. Il est plus énorme que ce qu'ils veulent blâmer chez les gouverneurs. Comprends bien ça, Akhal Islam. Yaqul, Cheikh Rabi' wa li Cheikh al-Islam. ولشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم كلام نحو هذا في غير موضع وأما البدع ولا سيما يجي يا شيخ الإسلام يا سوني ابن القيم des même des paroles similaires à ce que deviennent de dire cheikh dans d'autres endroits dans leurs livres. يقول الشيخ ربيع حفظه الله وأما البدع ولا سيما الكفرية والشركية فهذه لا يقال فيها مثل هذا الكلام لا من شيخ الإسلام ولا من غيره ولا تنسى موقف الإمام أحمد تجاه من قال بخلق القرآن وإن كان الملك والسلطان بأيديهم وكم للإمامين ابن تيمية وابن القيم من المواقف والمؤلفات فيها فمن مؤلفات ابن تيمية الواسطية والحموية والتدمرية ومنهاج للسنة ونقض المنطق وضرء تعارض العقل والنقل وتلبيس الجهمية واقتضاء الصراط المستقيم والفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى وغيرها وغيرها وأكثرها في الردود على الأشعرية. Et il dit, quant aux innovations et surtout les innovations du domaine de la mécréance ou de l'associationnisme, celles-ci on ne dit pas, quand on parle de celles-ci, on ne cite pas ce genre de paroles. Hein? Et ceci, ni Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ne l'a dit, ni d'autres l'ont dit. Il dit, n'oublie pas la position de l'imam Ahmed vis-à-vis de ceux qui ont dit que le Coran était créé, même si le pouvoir était en leurs mains et la puissance était entre leurs mains. Comment il était la position de l'imam Ahmed? Et il dit combien les deux imams, Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, leur position, hein, combien ils ont de positions similaires dans leurs livres qu'ils ont écrits. Et parmi les livres de Ibn Taymiyyah al-Wasitiyah, hein, dans laquelle il réplique à beaucoup de groupes. Le Hamawiyya, la même chose. Il y a des répliques à beaucoup de groupes. Tadmouriyya, la même chose. Minhaj al-Sunna, la même chose. Hein, l'anéantissement de la logique, la même chose. Hein, repousser, ta'arud al-aql wal-naql, la même chose. Le déguisement du Jahmit, qtida' al-sirat al-mustaqim, les grandes fatawa, le recueil du fatawa et d'autres. Tout ça dans les répliques aux Ash'arites et aux autres. يقول والابن القيم الصواعق المرسلة على الجهم والمعطلة وإعلام الموقعين وغياتة اللفان والنونية ابن القيم aussi son livre الصواعق المرسلة concerne les jahmites et ceux qui dépouillent le sens des attributs d'Allah إعلام الموقعين il y a des répliques dedans غياتة اللفان la même chose النونية ابن القيم la même chose يقول ومعظمها ردود على الأشعرية الصوفية الذين كان السلطان والسلاطين في قبضتهم وذلك لأن البيان في هذه الأبواب لا يكون الرد والإنكار فيها إلا راجع المصلحة على المفسدة وهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يصدعون بالحق وبيان التوحيد والتحذير من الشرك مهما بلغ جبروت أعدائهم ومهما بلغ سلطانهم وقوتهم وطغيانهم il dit tous ces livres la majorité de ces livres il y a des répliques aux Ash'arites et aux Soufis qu'ils avaient le pouvoir à cette époque, ils avaient les gouverneurs entre leurs mains. Il dit parce que l'éclaircissement à ce niveau-là, hein, le fait de répliquer à ce niveau-là et de blâmer le mal à ce niveau-là, c'est un bien qui l'emporte, qui a le dessus sur le mal. Et il dit ça, c'est la voix du messager, alayhi salatu wassalam. Et alors, tête Nuh, jusqu'à leur dernier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils disent la vérité haut et fort, ils éclaircissent, hein, ils donnent des éclaircissements sur le monothéisme, ils avertissent contre l'associationnisme, malgré la puissance que peuvent avoir leurs ennemis, et malgré leur pouvoir et leur tyrannie. Et si encore tu te rends compte, à l'islam, que Cheikh Rabi' nous montre que, hein, le fait que cette parole du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah, qui a pris docteur ici, comme preuve pour ce qu'il a avancé, n'est pas saine. Le fait de l'avoir mis ici n'est pas saine. Et que Cheikh l'Islam ne voit pas que l'associationnisme et les grandes innovations et le fait de combattre les gens de la Sunna est un mal, est un petit mal. Hein? et que le fait de blâmer l'associationnisme, les innovations, et hada, c'est un grand mal. Abadan. Et Cheikh Rabi' nous a montré que la parole citée ici par Dr. Ibrahim al-Ruhayli, la parole de Ibn Taymiyyah citée ici, hein, concerne ceux qui veulent conseiller ou blâmer les gouverneurs. Il nous a montré aussi dans ce passage la position, quelle est la position de l'imam Ahmed au moment de ceux, devant ceux qui avaient la puissance et le pouvoir quand ils ont dit que le Coran est une créature. Comment il était à sa position alors qu'ils avaient le pouvoir entre leurs mains. Donc fais très attention à l'islam. Ne te fais pas perturber. يقول صفحة 32 و33. قال الدكتور إبراهيم خامسا أن يراعى في الرد أن يكون على قدر انتشار المخالفة فإن كانت المخالفة نشأت في بلد أو مجتمع فلا ينبغي أن يشاع الرد سواء عن طريق نشر كتاب أو شريط أو غيرهما من الوسائل الأخرى في بلد أو مجتمع لم يسمع بالمخالفة. الشيخ ربيع دون سيتي un autre passage de la Risal al-Nasiha du docteur Ibrahim Ruhayli qui se trouve entre la page 32 et 33. Docteur Ibrahim Ruhayli de dire, cinquièmement, il faut prendre en considération dans la réplique qu'il doit être proportionné par rapport à comment il est propagé la divergence. Si la divergence est propagée dans un pays ou dans une société, il n'est pas permis non plus de propager la réplique, hein, dans d'autres pays ou d'autres sociétés par le fait de propager un livre ou de propager des audios ou ainsi de suite parmi les autres moyens utilisés et de les propager dans d'autres pays ou d'autres sociétés qui n'ont pas entendu parler de cette divergence. Yaqulu al-Doktor Ibrahim Ruhayli anna fi nashr al-radd nashrun fi nashr al-radd nashrun bi tariq ghayr mubashir li mukhalafa فقد يطلع الناس على الرد فتبقى الشبهة في نفوسهم ولا تحصل لهم القناعة بالرد. Il déclare le fait de et toujours les paroles sont à qui sont toujours à Ibrahim Ruhayli. Il dit le fait de propager la réplique est une c'est propager d'une façon indirecte la divergence à laquelle elle a été répliquée. Il dit peut-être que certaines personnes vont lire la réplique et l'ambiguïté va rester en eux. Et donc, ils ne vont pas être convaincus par la réplique. يقول الدكتور الرحيلي فترك الناس في سلامة وعافية من سماع الباطل أصلا خير من سماع الله ورده بعد ذلك. Il dit, toujours les paroles d'Abraham al-Ruhayli, et le fait de laisser les gens épargnés du fait d'entendre le mal est mieux. Hein? Est mieux, c'est ce qu'il faut. Hein? Au lieu de leur faire entendre le mal et sa réplique après ça. يقول وقد كان السلف يراعون ذلك في ردودهم فكثير من كتبهم في الرد في الردود يستدلون فيها للحق في مقابل الباطل من غير ذكر للمخالفة وهذا من فقههم الذي قصر عنه بعض المتأخرين. Il dit parce que toujours les paroles d'Ibrahim al-Ruhayli وقد السلف prenaient en considération dans leur réplique beaucoup ceci dans leur livre des répliques et il ramène les preuves pour la vérité en face du faux, sans parler de la divergence. Et ça fait partie de leur grande compréhension, cette compréhension que n'ont pas atteint les derniers. يقول والكلام لا زال للشيخ الرحالي وما قيل في التحذير من نشر الرد في بلد لم ينتشر فيه الخطأ يقال في التحذير من نشره في طائفة من الناس لم تعرف ذلك الخطأ وإن كانت في بلد المخالفة. Il dit toujours les paroles sont Ibrahim al-Ruhayli. Et ce qui a été dit comme avertissement dans le fait de propager la réplique dans un pays où l'erreur n'est pas propagée, on le dit aussi dans le fait de le propager dans un groupe parmi les gens qui ne connaissent pas cette erreur, même s'ils sont dans le pays où il y a cette divergence. يقول al-Ruhayli فلا ينبغي إبراهيم الرحيلي فلا ينبغي أن يسعى في نشر الردود من كتب وأشرطة بين العامة إن لم يعرفوا الخطأ ولم يسمعوا به. Il dit toujours les paroles sont Ibrahim al-Ruhayli, il n'est pas bien de propager les répliques parmi les livres, parmi les audios entre les communs qui ne connaissent pas l'erreur, qui n'ont pas entendu parler de l'erreur. يقول كم فتن من العامة ووقعوا في الشك والارتياب في أصل الدين بسبب اطلاعهم على ما تدركه عقولهم من كتب الردود مما لا يحصيه إلا الله. Il dit combien ont été perturbés le commun du musulman qui sont tombés après dans le doute et dans l'hésitation, dans les fondements de la religion à cause qu'ils sont tombés sur des choses, ils ont lu des choses que leur raison n'accepte pas parmi ce qui est écrit dans les livres des répliques. Il dit, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le nombre de ceux qui sont tombés dans le doute. يقول فعلى الساعين في نشر هذه الكتب بينهم أن يتقوا الله وليحذروا أن يكونوا سببا لفتنة الناس في دين الله. Il dit, il est du devoir de ceux qui veulent propager ces livres entre eux qu'ils doivent préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire attention de ne pas créer la fitna entre les gens dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils ne soient pas la cause de la fitna pour les gens de la religion d'Allah. يقول الدكتور الرحيلي وإن من أعجب ما سمعته في هذا أن بعض الطلبة قاموا بتوزيع بعض كتب الردود على بعض حديث العهد بالإسلام ممن لم يمضي على إسلام سوى أيام أو أشهر ووجوههم ووجههم لقراءتها فيا لله العجب من صنيع هؤلاء. Il dit toujours les paroles sont à Dr. Rouhaili. Et parmi les choses étonnantes que j'ai entendues de certains demandeurs de science, il m'est arrivé d'entendre d'eux que certains demandeurs de science ont distribué les livres des répliques à certains nouveaux qui se sont convertis à l'islam. Peut-être qu'ils n'ont que quelques jours, quelques mois de leur conversion à l'islam et ils les ont orientés vers le fait de lire ces livres. Il dit, quelle situation étonnante et quel étonnement devant ce qu'ils ont fait cela. Là s'arrête la parole de Cheikh Ibrahim Rouhaili. Maintenant à la réplique de Cheikh Rabi' et ouvre bien tes yeux, tes oreilles, barakallahu fik. Aqoul, awalan, inna risalata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lil alamin jami'an. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. Et Cheikh de dire ici, premièrement, Cheikh Rabi, il dit premièrement, le message de Mohammed alayhi wa sallam, il est au monde, à tous les mondes. Génie humain fait partie d'eux, le commun aussi. Il est dit dans le verset, nous t'avons, dans cette traduction approximative, nous t'avons envoyé comme clémence pour les mondes. Ces mondes rentrent dedans le commun. Et les nouveaux convertis, ainsi de suite. Wa qala ta'ala, il est dit dans l'autre verset, nous t'avons envoyé à tous les gens. Dire toute catégorie de gens. وقال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس عامه. الرسول صلى الله عليه وسلم dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari رحمه الله تعالى dit et le prophète il était envoyé à son peuple en particulier et moi j'étais envoyé pour tous les gens, pour les gens en général. يقول فاي فتنه تنجم مخالفة لهذه الرسالة فإنه يجب دحضها وبيان بطلانها وبراءة الإسلام منها. Il dit, toute perturbation qui arrive et qui est en divergence avec le message de Mohammed alayhi salam, il est obligatoire de l'annuler, de la repousser, de montrer le côté du faux de cette fitna. Et comme quoi l'islam est innocent de cette fitna. يقول ولهذا العصر خاصة وسائل إعلامية من صحف ومجلات ومواقع وقنوات تنشر شرورها وخلاعاتها ومخالفتها الجسيمة عبر هذه الوسائل على مستوى العام. فالفتنة تنجم في المشرق فتخطفها وسائل الإعلام فور حدوثها إلى المغرب والعكس وهذا أمر ما أظنه يخفى على الدكتور إبراهيم وعلى غيره. الشيخ ربيع دونو دي غير نوتخ ايبوك اون بارتيكولي لي مويان دو كومونيكاسيون كو سا سوا لي جورنو لي روفو لي سيت انترنت لي فوروم اي انسي دو سوي لي شين دو تيلي بروباج لور مال اي بروباج تو سكي موفي اي لور انورم ديفيرجونس avec l'islam, à travers ses moyens de communication et à travers le monde entier. Il dit, la fitna apparaît à l'est et les moyens de communication la transportent vers toute la terre, vers l'ouest et vers toute la terre. Et le contraire aussi, il dit, ça c'est une situation, je ne crois pas que docteur Ibrahim Ruhail ne la connaît pas, ni lui ni d'autres. يقول ومن الصعب خاصة في هذا العصر محاصرة الكلام والفتن وحبسها في مكان حدوثها. الشيخ ربيع de nous dire, et après on dit, bah les hommes de science ne connaissent pas l'actualité. الشيخ ربيع de nous dire, et à notre époque, il est impossible d'arrêter la fitna. Et le fait de parler de la fitna, de l'arrêter à la place là où il est arrivé. يقول فليعد النظر الدكتور إبراهيم في هذا الكلام لأن كثيرا من أهل الفتن مهما صغر شأنهم يحدث الفتنة في المشرق فإذا بها لها وله أتباع ومروجون هنا وهناك ينفخون في كيرها ويعظمون شأن صاحبها فيصبح إماما مجتهدا لا يجوز نقده ولا بيان حاله ولا الاعتراض عليه ومن اعترض عليه انترض على طريقة الصوفية ويصبح باطلهم حقا وحق من يرد هذا الباطل وحق من يرد هذا الباطل باطلا إلى إلدي حفظه الله تعالى الشيخ ربيع. Il dit, docteur Rabi doit revoir ces paroles qu'il a écrites. Car beaucoup de gens, parmi les gens de la fitna, malgré, qu'ils soient petits ou grands, malgré leur situation, ils font la fitna à l'est, et tout d'un coup on trouve que cette fitna, il a des disciples, il y a des gens qui la propagent à travers la planète, et qui la défendent, et qui élèvent très haut celui qui est dresse cette fitna, il devient pour un imam digne de l'effort de l'interprétation, qui n'est pas permis de critiquer, ni de montrer la situation, ni de s'opposer à lui. Et celui qui s'oppose à lui, il est rejeté, comme chez les sophies. Et ainsi, leur faux, il devient la vérité. Et la vérité, et celui qui rejette, et qui réprimande, et qui réplique à ce faux, lui, il est dans le faux. La vérité qui est avec lui devient le faux. Comme vous l'entendez maintenant, combien dans certaines régions, certains se sont élevés injustement contre les répliques du Cheikh Obaid sur Reis, contre les répliques du Cheikh Obaid sur Ibrahim Ruhaili au départ, et maintenant encore, et toujours. Et tu vois, frère en Allah Azza wa Jal, Docteur Rabi' dans ce passage nous montre que la parole du Docteur Ibrahim Ruhaili, qu'il faut prendre en considération dans la réplique, qu'il faut prendre en considération comment il est propagé cette divergence à laquelle on réplique. Cheikh Rabi, il dit que ceci te montre que ceci, c'est pas juste. Et Cheikh Rabi de nous montrer que la risala de Mohammed alayhi sallam, il est général. Et que le faux, il faut l'éloigner. Et que, tout ce qui s'oppose au faux, il faut l'éloigner. Et qu'à notre époque, la fitna arrive à l'Est. Et les moyens de communication la propagent à travers le monde. Et il a des disciples de partout et des gens qui la propagent. Et là, frère en Allah, Azza wa Jal retient ceci. Il y a une réplique. À ceux qui disent que le Mghraoui n'est pas en France, ni Ali Hassan, ni Reis, ni Ibrahim Ruhaili, ni. Et la réalité, et l'actualité, et la situation, les démons. Les erreurs de tous ceux-là sont propagées. Leur fitna, il est énorme. En Europe, en Amérique et autres. Où sont-ils de cette réalité dans laquelle il n'y a aucune illusion? Et ça, c'est ce que nous avons vécu. L'amertume de ceci, nous l'avons vécu quand j'ai traduit la réplique du Cheikh Obaid concernant Cheikh Reis. Et certains disaient, il n'est pas là, personne ne le connaît. Et ceci est faux, parce qu'il y avait certains qui ouvraient une room sur Paltok, dans leur Monsallah dans le sud de la France, ils passaient les audios de Cheikh Reis. Dans la région, au moins je faisais la traduction. Un parmi eux est venu me voir avant de commencer les répliques, il a dit, ceci va créer une fitna entre les jeunes. L'autre, il est venu me voir, et j'ai estimé cette personne, et tout d'un coup il me dit, là, ça ne fait pas partie de l'intérêt de propager et de traduire la réplique du Cheikh Obaid sur Cheikh Reis. Regardez, Quand j'ai demandé l'autorisation à Cheikh Obaid, il m'a dit traduit. Il m'a donné l'ordre, hein, l'autorisation de traduire. Et lui, il vient. Hein, il dit non, ça ne fait pas de l'intérêt. Alors il connaît mieux l'intérêt que Cheikh Obaid, qui ont créé dans la science, etc. Hein? Et c'est ce qui nous arrive maintenant avec les paroles de l'Halabi et de ses disciples, Abou Hassan et d'autres. Hein? Réfléchissez un petit peu sur la situation. Regardez-la avec l'œil de celui qui cherche la vérité, vous allez voir. ثانيا قال الدكتور إبراهيم وقد كان السلف يراعون ذلك في ردودهم فكثير في ردودهم فكثير من كتبهم في الردود يستدلون فيها للحق في مقابل الباطل من غير ذكر للمخالفة وهذا من فقههم الذي قصر عنه بعض المتأخرين يدوزيامون الدكتور إبراهيم رحالي الذي السلف prenez en considération dans leurs répliques dans beaucoup de leurs livres de répliques il ramener les preuves pour la vérité en face du faux sans citer l'erreur et le faux. Et il dit ça, ça fait partie de la grande compréhension que n'ont pas les derniers. يقول الشيخ ربيع أما قوله فكثير من كتبهم في الردود يستدلون فيها للحق في مقابل الباطل فحق واضح. Cheikh Rabi' de dire concernant ce passage, quand Ibrahim al-Ruhali a dit beaucoup de leurs livres dans lesquels de répliques, ils prennent la vérité comme preuve en face du faux, il a dit ça c'est une réalité qui est claire, c'est une vérité qui est claire. وَمَّا قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمُخَالَفِ فَكَلَامُ الْمُشْكِلُونَ وَغَيْرُ وَاقِعِ. Mais quand il dit qu'il ne cite pas la divergence, ceci est une parole qui est compliquée, qui est ambiguë et qui ne correspond pas à la réalité. يقول والذي نعرف عنهم أنهم ينصون على البدع وأصحابها وأحكامها فيدركون فيذكرون بدع الجهمية بأعيانها كإنكارهم لعلو الله واستوائه على عرشه ويذكرون إنكارهم لأسماء الله وصفاته. Ils disent que nous connaissons d'eux, c'est qu'ils citent les innovations et les gens de l'innovation et le jugement qui concerne cette innovation. Ils citent les innovations des jahmites. Hein, en citant l'innovation et en blâmant comme le fait que les jahmites ont rejeté et n'ont pas reconnu l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône. Et ils citent le fait qu'ils rejettent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses attributs. ويذكرون الخوارج وبدعهم بالتفصيل ويذكرون فرق الخوارج وبدعهم بالتفصيل ويذكرون المعتزلة وبدعهم بالتفصيل كما يذكرون فرقهم وأعيانهم وانفردت به كل فرقة وقل مثل ذلك في المرجئة وفرق وقل مثل ذلك في المرجئة وفرقهم. الشيخ ربيع de nous dire il cite les khawarij ainsi que leurs innovations en détail, il cite les groupes des khawarij et leurs innovations en détail, il cite les mu'tazila et leurs innovations en détail, comme il cite tous les groupes et ce qu'ils ont en détail, et les particularités qu'il a à chaque groupe. Il dit ceci concernant le Morji'a et les autres groupes. يقول وقد ألفت كتب في هذه الفرق كما قالت الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري والفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي والملل والنحل لابن حزم والمحل والنحل للشهرستاني. Il dit beaucoup de livres ont été écrits concernant ces groupes. Comme قالت الإسلاميين دابو الحسن الأشعري الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي الملل والنحل لابن حزم الملل والنحل للشهرستاني. يقول الشيخ أرجو أن يتأمل جيدا الدكتور إبراهيم في هذا الكلام الغريب العجيب في نظري فإن كان له معنى صحيح فليبينه لنا بأمثلة يذكر فيها كلام الراد ولا يذكر فيها كلام المردود عليهم. Il dit j'espère que le docteur Rouhaili va méditer d'une grande méditation ces paroles étonnantes dans leur étrangeté à mon point de vue. Et si ces paroles ont un sens, un vrai sens, qu'il attire notre attention, qu'il nous éclaire dessus avec des exemples et qu'il cite des paroles de ceux qui ont répliqué et des exemples de paroles de ceux qui ont répliqué sans citer les paroles de ceux à qui ils ont répliqué. ثالثا وقول الدكتور فكم فتن من العامة ووقعوا في الشك والارتياب في أصل الدين بسبب اطلاعهم على ما لا تدركه عقولهم من كتب الردود مما لا يحصيه إلا الله. فعلى الساعين في نشر هذه الكتب بينهم أن يتقوا الله وليحذروا أن يكونوا سببا لفتنة الناس في دين الله. Il dit troisièmement, comme docteur Ibrahim Rouhali, il dit combien de communs des musulmans ont été perturbés, ils sont tombés dans le doute et dans l'hésitation dans les fondements de la religion à cause du fait qu'ils ont lu ce que leur raison ne capte pas parmi les livres de la réplique. Il dit beaucoup. Hein? Il dit, ont été perturbés. Il dit, donc ceux qui propagent ces livres et qui tiennent à propager ces livres de réplique doivent préserver le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils doivent faire attention qu'ils ne doivent pas être une cause de la fitna pour les gens dans la religion d'Allah. يقول الشيخ ربيع حفظه الله ماذا تريد بكتب الردود التي أوقعت الناس في الشك والارتياب إلى آخره أتريد ردود أهل الباطل والبدع والفتن فهذا أمر معقول وأمر حاصل. الشيخ ربيع d'attirer l'attention du docteur, il lui dit qu'est-ce que tu veux avec les livres de la réplique qui a ramené, qui a fait tomber les gens dans le doute et dans l'hésitation, tu veux avec ça les répliques des gens de faux et de l'innovation et de la perturbation aux gens du vrai? Ça, c'est quelque chose de vrai. Et c'est quelque chose qui est arrivé. C'est-à-dire que les gens du faux répliquent aux gens de la vérité, hein, et répliquent la vérité des gens de la vérité. Bien sûr, ça amène de l'hésitation chez le commun. Hein? Et ceci est ce qui arrive dans le site Kul Khalafiyin, parmi les paroles de, hein, par les paroles de Al-Halabi, et son hizb, ceux qui écrivent dans son site, ainsi que ceux qui l'aident, comme Abul Hassan et d'autres, etc. Ils ont perturbé beaucoup, ils ont fait tomber dans l'hésitation beaucoup, ils ont donné beaucoup d'ambiguïté aux gens. Ça, c'est vrai. يقول الشيخ ربيع حفظه الله وما أضل أكثر الناس إلا نشروا أقوال أهل الباطل سواء كانت ردودا على أهل الحق والسنة مثل كتب دحلان والنبهاني وكتب الروافض وكتب الإخوان المسلمين ومن ينافع عن أهل الباطل ويحارب أهل السنة من المتلفعين بلباس السنة. Il dit qu'est-ce qui a fait égarer le Cheikh Rabi de dire qu'est-ce qui a fait égarer beaucoup de gens, c'est le fait de propager les fausses paroles et les paroles fausses des gens du faux. Que ce soit des paroles qui ont été une réplique contre eux, la vérité et la sunna, comme les livres de Dahlan, Nabhani, les livres de Rawafid, les livres des frères musulmans, et tous ceux qui défendent le faux et qui combattent les gens de la sunna, et qui sont déguisés avec le déguisement de la sunna, ils ont pris le vêtement de la sunna sur eux, et l'apparence de la sunna, alors qu'ils combattent la sunna. وإن كنت تريد ردود أهل الحق على الباطل فهذا منك أمر عجيب ومن الدواهي فكم في القرآن الكريم من الردود على أهل الضلال من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين. Et si tu veux dire par cela la réplique des gens de la vérité aux gens du faux, ça de ta part c'est quelque chose d'étonnant et c'est des grandes ruses. Combien il y a dans le Coran, dans le noble Coran, de répliques aux gens du faux, aux gens de l'égarement, aux associateurs, aux juifs, aux chrétiens et aux hypocrites. يقول الشيخ ربيع وكتب ردود السلف من عهد الإمام أحمد وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه وهلم جرا إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه إلى عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وإلى يومنا هذا وهذه الردود تنتشر في الآفاق. Il dit, حفظه الله تعالى الشيخ ربيع, et les livres de réplique des pieux prédécesseurs depuis l'époque de l'imam Ahmed, de ses élèves, des élèves de ses élèves, et ainsi de suite jusqu'à l'époque de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, de ses élèves, et jusqu'à l'époque de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdelwahab et de ses élèves, jusqu'à nos jours, et les répliques sont propagées à travers le monde. يقول ومن هنا قال السلف الرد على أهل البدع جهاد وقال بعض أئمتهم الرد على أهل البدع أفضل من الضرب بالسيوف. Il dit partons de là, les plus prédécesseurs ont dit le fait de répliquer aux gens de l'innovation c'est un combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, et certains de leurs imams ont dit le fait de répliquer aux gens de l'innovation est mieux que de prendre les armes. يقول الشيخ ربيع حفظه الله ومحاربة ردود أهل السنة في هذا العصر بدأ الإخوان المسلمين الذين كانوا ينشرون الأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة والكتب المضللة والطعون الظالمة في أهل السنة, فلما انبرى بعض أهل السنة لرد أباطلهم وفتنهم وما كايدهم غرسوا في أذهان الناس الطعن في الرادين وكتب الردود. Il dit حفظه الله تعالى. Et le combat des ردود, et des répliques que font les gens de la Sunna à notre époque, il a été commencé par les frères musulmans qui propageaient des fausses paroles et des mauvaises croyances et qui propageaient des livres d'égarement et des critiques injustes concernant les gens de la Sunna. Et quand les gens de la Sunna leur ont fait face à répliquer à leurs faux et à leurs fitna et à leurs manigances, ils ont ancré dans l'esprit des gens que ils ont fait rentrer dans l'esprit des gens, hein, le fait de critiquer ceux qui répliquent et de rejeter et de critiquer les répliques. Naam. Wa mimma yu'safu lahu ashadd al-asaf an nara ba'd al-sunnah yuraddiduna ma gharasahu al-ikhwan al-muslimun min at-ta'n fi kutub ar-rudud wa inkar ar-rudud 'ala ahli al-bid'ah wal-fitan wad-dalal fa arju al-i'tidar min ad-doktor 'an hadha al-kalam al-khatir bal wa naqd man yuraddidu mithlah. Et Cheikh Rabi' de nous dire, il est regrettable et un grand regret de voir que certains gens de la Sunna répliquent ce qu'a planté les frères musulmans, qui est le fait de critiquer les livres des répliques et de blâmer les répliques et de blâmer les répliques sur les gens de l'innovation et de la fitna et de l'égarement. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, j'espère que Dr Ibrahim Ruhaili va s'excuser sur cette parole très dangereuse et qu'il va critiquer ceux qui répètent ce genre de paroles. Et si on résume à l'islam, Cheikh Rabi' de nous montrer que les livres des gens de la Sunna dont les répliques, hein, répliquent et rejette les paroles de Dr Ibrahim Ruhaili quand il a dit que les salafs, ils répliquaient sans citer la divergence. Et la Cheikh nous a montré que la position et les actes du pieux prédécesseur sont en contradiction avec ce qu'il avance ici de Dr Ruhaili. Et Cheikh Rabi' de nous montrer que ce qui a fait égarer les gens, hein, ce qui a fait égarer les gens, c'est, hein, le fait de propager les gens du faux, les paroles des gens du faux. Mais c'est pas ce qui fait égarer les gens, c'est pas le fait, la réplique des gens de la vérité contre les gens du faux. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est le fait de propager les paroles des gens du faux qui fait égarer les gens. Et non pas le fait de propager les répliques des gens de la vérité. Médite ceci à l'islam. Et Cheikh Rabi' nous a montré que le Coran, il est plein de répliques concernant les mécréants, les juifs, les hypocrites, les chrétiens, les associateurs. Hein? Il est libre des répliques. Allah subhanahu wa ta'ala a guidé avec beaucoup de gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par les livres de la réplique, protège les gens de la sunna. Et Cheikh de nous montrer que le fait de combattre les livres de la réplique, ceci, c'est le travail des Ikhwan, c'est eux qui l'ont commencé. Et il dit, malheureusement et avec grand regret, beaucoup de gens de la Sunna ont pris cette position des Ikhwan, hein, et ils l'ont utilisée. Et cher, hein, donc il faut qu'on fasse très attention à l'islam, à ce que nous entendons. Hein? Et qu'on fasse très attention aux ambiguïtés, barakallahu fikum. Et on arrête là aussi pour aujourd'hui, inshallah. Et à demain, inshallah, à la même heure, au même endroit. Barakallahu fikum, ahsallahu alaykum.